Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Habitat 67, entre rêve et réalité. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'est devenu Habitat 67 aujourd'hui? Je suis très heureux, vous savez, car je crois que c'est peut-être le seul projet utopique qui a été construit à l'époque moderne, qui a aussi eu un succès populaire, et les gens qui habitent là adorent l'endroit. L'architecte Moshe Safdi, répondant aux questions de Gilles Goujon dans une entrevue diffusée en 1997, en mai 97, à l'occasion du 30e anniversaire d'Habitat 67. Construit au moment de l'Exposition universelle de Montréal, Habitat 67 reste aujourd'hui encore l'un des forts symboles de l'architecture moderne des années 60. En 2015, le journal britannique The Guardian publiait une série d'articles consacrés aux immeubles emblématiques de certaines villes, et c'est à Habitat 67 qu'on associait Montréal. Les projets de l'expo vont bon train. Il est de plus en plus fréquent, à mesure qu'ils jaillissent des planches à dessin des architectes, qu'on les rende publics. Le dernier né, Habitat 67, propose dans un esprit tout à fait 20e siècle un mode d'habitat adapté aux besoins et exigences urbaines. Créé à la demande des cimentiers, ce projet est présentement devant les grands de la Compagnie de l'Exposition universelle, qui le sonde, l'analyse, l'étudie et tente de l'intégrer dans l'ensemble des réalisations de l'expo 67. L'animateur Michel Garneau présentant en janvier 1964 le petit dernier des grands projets d'Expo 67, Habitat 67. Pour nous parler de l'importance de ce complexe immobilier, mon collègue animateur à Culture Club, amoureux d'architecture, propriétaire d'un appartement à Habitat 67, René Mirois. Bonjour René. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Pourquoi? C'est un vieux rêve pour vous. Ça a pris du temps. Vous êtes arrivé à Habitat 67. Ça a pris très, très, très longtemps parce que quand au départ, c'était des appartements en location. Pour y accéder à un bail, il fallait payer ce qui s'appelait à l'époque un pas de porte, c'est-à-dire soudoyer le locataire précédent. Et c'était très élevé. Là. Dans les années 75, ça devait être autour de 30 000 $. J'avais décidé que non. Et finalement, bon, c'est devenu, on pouvait les acheter, on pouvait aller vérifier qu'est-ce qui était à vendre, qu'est-ce qu'on pouvait se procurer. Et j'ai fini par trouver, après longtemps, des années de recherche, j'ai fini par trouver ce qui, moi, me convient. Et qu'est-ce qui vous est, pourquoi vous vouliez vivre là? Parce que, d'abord, bon, j'ai étudié à l'université avec Moshe Safdi en même temps. J'étais plus jeune que lui dans le sens des études. Il a gradué en 61, je pense. Moi, j'étais là de 58 à 62. Oui. Et on en parlait beaucoup, beaucoup. Quand j'étais à l'université, d'abord, Moshe Safdi, de toute évidence, était reconnu comme pas un demi-dieu, mais un trois-quarts génie. Maintenant, déjà? Oui. C'était, mais avec ce qui va avec, les gens qui trouvaient que c'était un fou dangereux, mais c'était vraiment quelqu'un que beaucoup, dont moi, admirait. Et quand cette chose-là commençait à se faire, et que ça c'était tellement... pas le contraire, mais c'était tellement différent, peu de le dire, de ce qui se faisait, de ce qui se construisait ailleurs, des tours, des tout ça, que je me disais, je veux aller goûter à ça, et j'ai fini par planter mes dents dedans. Il était comment, de fait, ce jeune Moshe Safdi? C'était pas un ami, mais vous l'avez côtoyé, étiez à la faculté. J'avais surtout des amis qui le connaissaient bien, et en général, on me disait qu'il était très chiant. Mais c'est quelqu'un qui se prenait pas pour une queue de cerise, qui avait parfaitement raison, et qui avait des idées, des rêves, dont celui-là, qui a été quand même réalisé en partie seulement, mais quand même, et qui, dans le monde de l'architecture de l'époque, arrivait avec quelque chose de très, très frais, de très, très différent. La plupart des architectes avec lesquels j'ai étudié, presque tous, on fait comme carrière une carrière dans l'enseignement. Parce que, je sais pas, le truc est mal arrivé quand ils sont sortis de l'université. Peut-être aussi parce que des espèces de génies, ou enfin des gens aussi exceptionnellement doués et aussi visionnaires que Moshe Safdi, ça pleut pas. Il y en a pas tant que ça. Donc, lui a émergé et a fait une carrière absolument incroyable. Et de fait, Habitat 67, d'abord, c'est son projet d'études, il faut le rappeler, il faut le faire. Et c'est vraiment ce qui va le lancer. C'est c'est son grand projet. Complètement, parce que encore une fois, c'était quelque chose qui n'existait pas. Ouais. Vous savez, moi, je parle, quand je parle d'habitat, de ces terrasses, de tout ça, ce sont des maisons qui sont construites, littéralement, qui sont empilées les unes sur les autres, mais de vraies maisons qui ont un contact direct avec l'extérieur. On en sort. Quand on sort d'habitat, on sort pas par un corridor, on sort par une passerelle, on est exposé aux éléments, etc. Et chacun a une grande, grande terrasse. Moi, je dis que c'est les jardins suspendus de Babylone. Ouais. Ça correspond à ça. Et ça, c'était une des choses qui m'intéressait. C'est vraiment une idée géniale, puis on y reviendra sur cette idée-là qui est centrale au projet. Aujourd'hui, Habitat 67, je reviens à cet extrait qui était charmant, mais un peu suranné, là, de Michel Garneau. Cet aspect, il parle d'Habitat 67 comme d'un lieu qui propose un esprit tout à fait 20e siècle et un mode d'habitat adapté aux besoins et exigences urbaines. Ouais. C'est encore vrai, René? C'est-à-dire que ça l'aurait, et pour moi, ça l'est. Pour les gens qui y habitent et qui, comme disait M. Savdi tantôt, sont très contents d'y être. Oui, pour moi, ça l'est. Mais l'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était de faire une nouvelle ville, littéralement, avec les avantages de la vie un peu à l'extérieur. Vous savez que dans le parc autour d'Habitat, il y avait, je pense que c'est 70 essences d'arbres différents. Et il en reste encore un nombre très, très, très important. Donc, non seulement ce lieu-là, non seulement cette façon de vivre-là, mais une proximité avec une belle nature, une nature vraiment exceptionnelle. Mais évidemment, même si c'est les années 60, qui sont les années de prospérité, de rêve de grandeur, il y aura des contraintes, puis on va y venir dans un instant, des contraintes économiques qui vont faire que Savdi ne pourra pas réaliser le projet qu'il voulait, cette cité, on y vient dans un instant. Mais à nouveau, M. Savdi, vous l'avez à peine abordé, l'idée des jardins de Babylone, mais plus que ça, la particularité de ce projet-là, la maison en ville, les maisons superposées l'une sur l'autre. Moshe Savdi, extrait de cette même entrevue, donc, réalisée par Gilles Goujon en 1997, sur comment lui vient cette idée. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez imaginé les plans d'Habitat 67? Vous savez, je m'étais fait payer un voyage d'études financé par la Société canadienne d'époque des logements pour étudier le logement en Amérique du Nord. Et je suis revenu avec la conviction que les gens qui vivaient dans les immeubles à logement n'étaient pas vraiment à leur place. Les gens quittaient les centres-villes pour aller chercher des maisons unifamiliales en banlieue, mais la question de l'étalement urbain était problématique. C'est là que je me suis dit qu'il fallait repenser l'immeuble à logement, qu'il fallait le voir comme des maisons suspendues avec des jardins, des rues piétonnes suspendues avec des entrées privées, avec des points de vue différents, et qu'au fond, nous pourrions créer la qualité de vie de la banlieue en plein centre-ville, avec une densité élevée, en construisant en hauteur. L'intimité, l'espace, chacun a son espace, l'intimité dans la collectivité. C'est une grande idée, mais c'est ça l'idée de base. Mais complètement, et elle est parfaitement réussie, même si pour quelqu'un qui connaît pas l'idée d'habitat. J'ai un ami, moi, la première fois qu'il est venu chez moi, et qu'il a, ma maison, enfin mon appartement s'ouvre sur les quatre côtés, les quatre horizons. Et donc, j'ai de l'autre côté, là-bas, une fenêtre qui est devant un autre appartement, etc. Et il m'avait dit, mais c'est une maison pour voyeurs. Et je lui ai dit, mais non, c'est pas une maison pour voyeurs, c'est une maison qui est extraordinairement discrète, parce que à moins de s'installer jour et nuit avec des lorgnettes pour regarder qu'est-ce qui se passe, ça n'a aucun sens. Et l'avantage de ce lieu-là, c'est aussi la qualité de l'éclairage, la lumière. Vivre dans un environnement lumineux, et tous les appartements sont conçus de cette façon-là. Il y en a dans lesquels c'est un petit peu moins réussi, parce que forcément, il y a des proximités de fenêtres avec des murs, bon, tout ça. Mais sur la quantité, on peut choisir vraiment ce qu'on souhaite et ce qui nous arrange. Et chez moi, c'est la lumière. Puis moi, dans la vie, la lumière, c'est quasiment plus important que l'eau. C'est la vie, la lumière. Puis pour ceux qui font un peu de photos, on aime ça. On aime ça beaucoup, beaucoup. C'est évidemment Habitat 67, c'est un contexte, c'est une époque, les années 60, c'est aussi l'exposition universelle de Montréal qui va rendre possible cette idée un peu folle. On écoute l'architecte Édouard Fizet, qui est concepteur du plan directeur d'Expo 67, nous décrire justement le projet d'Habitat 67 et le contexte plus large, international, dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire, nous avons des cellules qui constituent une unité d'habitation. Deux cellules peuvent constituer une unité d'habitation plus grande, etc. Ces cellules sont superposées ou accolées les unes aux autres sur un plan oblique avec de l'espace entre chacune des unités d'habitation et constituent un ensemble d'habitations en hauteur sur plan incliné avec des terrasses qui viendra se situer, comme vous le savez, en bordure du quai Mackay le long du fleuve. Est-ce que cette idée-là a été pensée ici au Canada? Cette idée-là, je pourrais dire, est le résultat d'une pensée de recherche qui se poursuit actuellement peut-être un peu dans tout l'univers. La recherche de la formule de l'habitation dans un cœur urbain, dans une région urbaine, s'oriente vers des solutions semblables. Et je crois que ce sera la première fois dans l'univers où nous aurons la chance, et Dieu merci, ce sera ici au Canada, à Montréal, de voir une réalisation d'une idée très osée, très avancée, s'élever grâce au fait que l'exposition de 67 se tiendra ici, ce qui donnera à nos architectes la chance d'ériger cet habitat. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Alors, Moshé Safdie va s'inscrire, René Omirois, dans ce grand courant international qui veut repenser, réinventer l'habitat urbain. On en a un petit peu parlé, puis on en reparlera avant la fin de l'émission. Mais il y a le contexte, on entendait la musique thème de l'expo. Il y a ce contexte qui est important. Sans Expo 67, Habitat 67 n'aurait pas pu exister. Jamais, jamais. Mais c'est très, très ironique que ce qu'on considérait comme une folie, même des gens au gouvernement fédéral à l'époque, le gouvernement fédéral qui a permis que ça se fasse, était persuadé que c'était fou complètement, mais que cette chose-là soit ce qui reste d'habitat, oui aussi, bien sûr, cet habitat, ce qui reste de l'expo, peut-être parce que c'était la seule permission qu'on donnait aux architectes de faire quelque chose qui pourrait avoir une pérennité. Ouais. Les buildings qui existent encore et qui survivent, c'est complètement artificiel, à part le dôme de Buckminster Fuller, évidemment, mais sinon, là, il n'y a pas de raison de garder le casino. C'est pas des buildings qui, en soi, ont un sens, sont intéressants. Alors que celui de Safdie, c'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable. Ouais. Puis de fait, il y avait 80, on l'oublie, mais il y avait en 67, 90 pavillons. Il reste presque plus rien. Puis il y a des choses qui restent, puis qui devraient peut-être pas rester. Comme vous le disiez. Ça a été, bon, vous avez fait des études en architecture, la construction de ce projet-là, ça a été d'une complexité infinie. C'est un chantier laboratoire, littéralement. Oui, mais c'est pour ça que les coûts, évidemment, ont explosé. Encore une fois, sans que des bandits qu'on connaît bien maintenant, grâce à la commission Charbonneau, s'en mêlent, c'est sûr que les coûts allaient exploser. Mais on avait fait, ce que Moshé Safdie avait choisi de faire avec une équipe énorme, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient avec lui, c'était de construire littéralement une usine à côté même de là où ça allait s'élever pour fabriquer les unités en béton armé, d'installer dedans tout ce qui était nécessaire et possible d'installer avant de les placer à leur place. Les salles de bain, par exemple, ça ressemble à des salles de bain d'avion, des coques en plexiglas. Ouais. Plexiglas, oui, assez, c'est très étroit, c'est très petit. Il en reste relativement peu, d'ailleurs, parce que les gens qui les ont conservés, c'était par coquetterie, parce que c'était de même que Habitat était fait. Mais dans la réalité, tout le monde a changé un peu ça. Mais toute la construction qui se faisait vraiment comme à l'intérieur d'une bulle. Et d'ailleurs, il y a trois halls à Habitat. Dans les halls d'Habitat, il y a une sorte d'exposition permanente de photos de ce que c'était quand ça se construisait. Des photos qu'un architecte qui habite à Habitat, Pierre Tisdale, s'est chargé de mettre en forme et tout ça. Et on est dans le hall de cet endroit fini, dans le sens que c'est fait, ça existe depuis longtemps. Et on est témoin de la façon dont ces choses-là se sont produites. C'est des photos absolument magnifiques et très, très, très instructives. Parce que c'est complexe, parce que c'est expérimental, ça va coûter cher. Ça va coûter plus cher que prévu. On réécoute pour une dernière fois Moshé Safdie. Dans l'extrait qui suit, il nous parle de ce voyage qu'il fait à Ottawa. Il rencontre le cabinet fédéral et on lui dit « Désolé, ça ne pourra pas être ce que vous pensiez ». Dans vos plans originaux, on prévoyait 1000 logements au moins. Et tout à coup, on a réduit ça à peu près à 150. Alors, comment avez-vous réagi personnellement lorsqu'on vous a informé que votre projet avait été rétréci? Je me rappelle assez bien. Nous nous sommes rendus à Ottawa pour présenter le concept au cabinet. Nous avons parlé de 1000 familles. C'est assez important pour avoir une école, un centre commercial, et cela coûtait 42 millions à l'époque. Nous avons rencontré le cabinet. Ils nous sont revenus et ils nous ont dit qu'il n'y avait que 15 millions. Et nous avons dit, cela ne donne que 150 unités locatives. Ce n'est pas assez. Alors, ma première réaction, c'était, alors c'est tout ou rien. Alors, nous sommes revenus dans notre petit avion avec le colonel Churchill et Ed Shaw et Pierre Dupuis. Et à l'atterrissage à Montréal, j'étais convaincu que c'était une bonne idée, même à 150 unités, et nous avons célébré. Donc, il se contentera, Moshe Saldi, oui. De cet habitat 67 à échelle réduite. C'est une chance extraordinaire pour lui. Ouais. Et il aurait été très sot de ne pas l'accepter, parce que nonobstant la taille qu'il aurait souhaité, puis celle finalement qu'il a obtenue, c'est quand même ça qu'il ouais. a assis confortablement il sur la scène internationale. J'ai quand même une idée géniale, j'ai quand même oui, un projet intéressant. Oui, et je vais le montrer au monde. Ouais. Et il l'a fait, et ben, the rest is history, comme disent les Chinois. À la différence que, il y a pour lui quand même, puis ça, il en reparlera plus tard, une grande réussite, mais un échec. Oui. On y revient, on l'a effleuré à peine, René Aumirois, mais cette idée de faire d'Habitat 67 une nouvelle cité dans la cité, oui. et de faire de ça un modèle oui. d'habitation en milieu urbain qui serait reproduit ailleurs. Et à loyer modique. C'est oui. pas exactement HLM, mais c'était ça l'idée. À ce point d'ailleurs que maintenant, ben chez moi c'est comme ça, il y a des gens qui ont gardé tous les aménagements intérieurs de Savdi, la taille des pièces et tout ça, les divisions et tout, qui sont très, très, très petits. C'est très étroit. Les blocs sont grands. Puis oui. quand il y en a deux ou trois, c'est considérable. Mais l'espace intérieur, heureusement qu'il y a cette fenestration géniale, mais l'espace intérieur est relativement restreint. Mais aujourd'hui, comme on est, comme c'est fait, comme on peut faire, mon appartement, moi, je l'aurais pas touché avant de l'acheter. Mais ça a été fait avant moi et ce sont des blocs immenses, pas divisés, éclairés de partout. Alors ça, c'est devenu une autre proposition d'affaires pour les gens qui avaient envie d'en acheter. Donc, forcément, plus cher, forcément, mm-hmm. compte tenu des coûts, compte tenu du fait qu'il n'y en a pas eu autant qui ont été construits, donc la fabrication, l'usine de fabrication n'a pas été, bon, c'est resté quelque chose qui a coûté très, très, très cher. Ouais. Et de fait, là-dessus, l'accueil que ça aura, ce sera divisé, vous le disiez même à McGill, oui. Les Savdi, on était fascinés, mais les gens qui disaient c'est un fou furieux. Oui. Et le coût. Je vous propose un extrait qui remonte à 1964. Le maire de Granby, qui est architecte par ailleurs, Paul-Olivier Trépanier. Écoutez-le. C'est intéressant, ouais. je pense. Oui. L'expo à Montréal, le thème sera, pour cette expo, Terre des hommes. Je conçois donc que cette expo doit montrer à l'homme de la Terre ce que la science et l'art humain peut lui apporter durant les années, les décades qui vont venir, jusqu'à la prochaine exposition, disons. Alors, si, par exemple, les gens des pays sous-développés, soi-disant sous-développés d'Afrique, qui viennent ici avec grâce à une bourse de leur gouvernement, une subvention de leur gouvernement, et qui, on leur offre, par exemple, comme résultat, comme solution à l'habitat humain, cet habitat 67, je trouve que c'est inadmissible, c'est honteux et c'est scandaleux. Pourquoi? Vous trouvez ça un peu luxueux, quoi? Oui. Voici, je vais vous faire un calcul mathématique très rapidement. Plans et devis, 1 500 000 $. Construction actuellement estimée, 11 500 000. Location de la grue, 468 000 $. La surveillance du chantier, les imprévus, tout ça, ça fait 14 268 000 $ divisé par 167 logis. Donc, nous obtenons 85 500 $ par logis. Alors, vous voyez comme moi que c'est pas tout à fait la hutte du nègre de la brousse. Ah, non, mais c'était pas le but de l'opération non plus, de ouais. remplacer avec Habitat, les habitations des gens qui vivent en Afrique quand même. C'était une idée qui était plus probablement pour le monde riche, restons dans le vocabulaire occidental, ouais. mais une habitation à loyer modique, ça, ouais. c'est raté. Ça, c'est complètement raté. Et je pense que ça a dû beaucoup décevoir Savdi, parce que construire pour des gens qui ont des moyens, moyens puis qui peuvent investir beaucoup, comme c'est le cas maintenant dans Habitat, c'est une chose relativement plus facile. Mmh. Il y a des tours à Montréal d'un luxe inouï, et puis il y a des gens qui les habitent. Mais construire du beau, construire du neuf dans le sens de l'invention, à des prix relativement modestes, c'était ça l'idée d'ailleurs, d'avoir du béton précontraint, puis de faire l'attitude usine à côté, et que ça n'ait pas marché, ça, pour lui, ça a dû être vraiment déchirant, mais sa carrière a tellement été extraordinaire, mm-hmm. et c'est ça qui l'a démarré, et je trouve ça formidable. Le complexe que vous habitez, René, vous en avez un peu parlé, il y a eu des modifications, mais en quoi il est pareil, en quoi il ressemble ou pas, l'Habitat 67 que vous habitez aujourd'hui à celui qui était là à l'origine? Ben, essentiellement, c'est la même chose. Ouais. Il y a des petits détails qui ont été changés là avec le temps. Je sais pas, il va Et c'était voulu, les ça. Les gens qui y habitaient prennent grand soin. C'est patrimonial maintenant. C'est patrimonial maintenant. Il y a des gens, quand je cherchais désespérément à m'acheter quelque chose là, les appartements qui avaient été refaits et donc il n'y avait pas de moisissure ni rien, parce qu'il faut pas oublier que c'est du béton, on est entouré d'eau, faut faire attention à ça, puis il y a des appartements qui étaient maganés, donc ceux-là d'une part, mais ceux qui avaient été refaits, souvent étaient refaits dans un style que j'appelle Jewish Renaissance, c'est-à-dire des planchers en chêne foncé, des portes sculptées, tout ça. Anti-habitat, complètement. Mais il y a, j'en ai parlé chez Catherine Perrin avec une agente d'immeuble qui disait qu'il y a quelque chose comme 47% ou 48% des gens, des propriétaires d'habitat, qui ont respecté au max ce que c'est. Évidemment, les salles de bain, on peut plus se contenter de ce que c'était. Mais de fait, elles étaient, on aurait pu, puis on n'a pas eu le temps, mais j'ai entendu un extrait d'archives d'époque où, dès le départ, on fait remarquer, et Savdi n'est pas là, quand on présente les cuisines préfabriquées et les salles de bain, et la journaliste remarque qu'il y a un décalage entre l'ampleur, la créativité de l'architecture et le banal de ce qu'on y installe. Oui. Mais c'est pourquoi, à part le 47% là, qui a tenu à garder les cuisines corridors et puis des choses comme ça, la plupart des gens ont souhaité ajuster cette réalité-là à la réalité d'aujourd'hui. Et ça donne, moi j'en ai visité donc plein de ces appartements-là, et mettons que dans ceux qui ont été refaits, à part Jewish Renaissance, là, je dirais que les trois quarts avaient été refaits avec beaucoup de goût, beaucoup de soin, et les améliorations qu'on leur a fait subir, c'était vraiment des améliorations. Et Savdi a toujours un appartement, je pense. Il y a quatre blocs au top du top, au dernier étage. C'est l'appartement le plus intéressant, qu'il a la gentillesse, d'ailleurs, de prêter à l'association Habitat pour faire des trucs, se retrouver là. Mais c'est un appartement qui est resté tout à fait dans l'esprit de l'époque. Et mettons qu'il y a une vue. J'imagine. Je rêve de voir cette vue un jour. René Mirois, animateur de Culture Club à la première chaîne, merci infiniment, René. Merci, Jean. Ça a été un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.